Le gros, puis après, c'est petit. De plus en plus petit. Hein. Et c'est là qu'il arrive à tester un peu la vue. Hein. Et puis, tu fais quoi d'autre encore? J'ai plus. Est-ce qu'il a un appareil pour regarder dans le fond de l'œil? Oui. Il regarde tout près comme ça. J'y allais, je crois. Dans les yeux. Oui. Les yeux. Et puis alors, tu y es allé, toi, mais t'as pas de lunettes, là? Non. Parce donc, que je vois bien. Donc, tu n'en avais pas besoin. Non. Ça, c'est bien. Hein. Par contre, il y en a ici qui ont des lunettes. Qui a des lunettes? Moi. Oui, tu t'appelles comment, toi? Dalala. Gabriel, oui. Et puis? Christopher. Christopher, alors est-ce que... Ne touche pas le micro, s'il te plaît. Est-ce que ce que Nicolas a dit, c'est juste ou est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Vas-y. C'est juste. C'est juste. Donc, tu as fait pareil que lui. Oui. Les lettres, puis après, il a regardé dans le fond de l'œil. Oui. Voilà. Et Gabriel, est-ce que ça s'est passé comme Nicolas a raconté? Oui. Oui, c'était comme ça. Oui. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur de l'ophtalmo? Non, pas avoir peur. Non. Il faut s'asseoir sur une chaise. Il t'assoit sur une chaise. Et puis, il met les lettres. Oui. Donc, demain, il faudra rassurer Zinedine, puis je pense qu'il sera un peu plus rassuré, parce qu'il y sera allé. Hein? Demain, là, Didi? Oh bah oui, demain il sera là. Il te manque? Oui. Il ne pourra pas jouer aux cartes. Ah, pour jouer aux cartes. Bon, alors, par quoi allons-nous commencer? La musique du lapin. Les infos. Gabriel, il dit on commence par la musique du lapin. Non, ça sera plus tard. Ah, la musique du lapin, c'est un cadeau, mais c'est pas tout de suite. Ça sera plus tard. Hein? Heureusement que Marion nous l'a passé la semaine dernière, hein, parce que dis donc, depuis, tu nous la demandes. Hein. Bien. Mais tu l'auras tout à l'heure. Dessin. D'accord? Non? Donc, on commence par les infos. Alors, qui avait des infos? Moi, on en avait, moi. Toi, tu en avais. Alors, est-ce que tu peux commencer, Nicolas? Coronavirus. Ah. Le coronavirus en France. Ah bah oui, oui. Et puis? Et ça monte. Ça monte. Qu'est-ce qui monte? Le mort en France. Les morts? Les morts en France, hein. Il y en a plein. Les personnes touchées. Oui. Et sinon? Qu'est-ce que vous aviez dit d'autre? Ah, il y a un appel. Oui, quittez pas, hein, je vous mets à l'antenne. Allô? Yes. Bonjour. Oui. Qui est à l'appareil? Jade. Jade. Jade. Oui. Oui. Oui. Jade. Oui. Jade. Oui. Bah dis donc, alors tu connais la chanson Mystère? Oui. Alors est-ce que tu peux nous dire l'interprète et le titre? Paris, paradis, elle a dit. Vanessa Paradis. Ah, alors tu connais Vanessa Paradis? Oui. Oui. Alors Jade, est-ce que tu sais ce que tu as gagné? Non. Oui, oui. Non. Non. Non, tu sais pas. Non. Oui. Jade, tu m'écoutes là? Oui. Alors tu as gagné le droit de venir une fois à la radio avec nous un mercredi. Avec nous. Oh, bah dis donc, c'est la fête là! Alors, c'est la fête! Si, c'est Jade! Est-ce que tu es contente, Jade? Oui! Donc, eh ben, écoute, on verra ça avec tes éducatrices. Oui! Et puis, un mercredi, tu viendras avec nous. Oui! D'accord? Oui! Eh bien, écoute, merci, Jade, d'avoir appelé. Oui. Non. Merci! Bisous! Bisous, hein! À tout à l'heure! Bisous. Tout à l'heure! À tout à l'heure! Bah, dis donc, c'était la fête, hein? Oui! Alors, Jade, elle a l'air super contente, hein? Hein? Oui! Oui, ils ont fait oui! Mais c'est bien qu'elle puisse venir une fois avec lui! C'est ça! Et puis, tiens, d'ailleurs, écoutez, d'ailleurs, on a oublié de dire tout à l'heure que Zinedine est. Régine n'était pas là, mais on a oublié de dire qu'il y avait Damien avec nous. Ah oui, on l'a oublié. Bah alors. On l'a oublié. Alors Damien, il est déjà venu. Une fois. Hein? Oui, une fois. Moi, bien tâte, moi. Voilà, mais tout à l'heure, on lui laissera un peu la parole pour savoir un peu où il en est. D'accord? Hein? Donc, on était dans les infos, ouais, là. Il avec moi, je crois. Alors, Nicolas. Parce que je sais plus où. Tu sais plus. Alors, j'ai vu parce qu'il a oublié la parole. Oui, tu as parlé de Covid-19 en France, que ça montait. Voilà. Est-ce que tu as d'autres infos? Non. Non. T'as pas regardé les infos? Si, mais j'en avais qu'une. Ok. Christopher, est-ce que toi, tu avais des infos? Oui. Alors, vas-y, on t'écoute. Le pétrole a baissé de prix. Le pétrole a baissé. Oui, 40 dollars. Alors, oui, alors toi, tu parles du prix du baril. Oui. Mais est-ce qu'à la pompe, ça a baissé? Non. Ah, oui. Marion dit oui. Si. Ah, c'est vrai? Ah oui, oui, oui, ça a vraiment baissé. À Saint-Étienne, on est passé de 1,37 à 1,32. Donc, Ouh, bah alors, il va falloir y faire un petit saut, hein. Ça a baissé à la pompe aussi. Donc c'est bien, parce que il me semble qu'on en avait parlé la semaine dernière, mais il n'y avait encore pas de répercussions à la pompe. Donc là, c'est bien. Merci Marion pour l'info. Moins cher. Voilà, bien Christopher, alors vas-y, continue. C'est plus c'est quoi les autres infos que j'avais? Ah bah tiens, justement, tu parlais de ça. Alors est-ce que tu peux nous dire pourquoi le prix a baissé? Parce que les gens n'achètent plus de pétrole. Parce que les gens n'achètent plus de pétrole. C'est ça? Ah là, ils prennent plus la voiture. Oui, mais où, par exemple? En Chine. En Chine, il y a moins de demandes, oui. Et puis c'était un des gros importateurs, apparemment, au niveau pétrole. Hein. Oui. Donc forcément, ça baisse. Mais on va dire que c'est tant mieux pour le porte-monnaie des personnes qui travaillent ici. Et puis à droite, à gauche, d'ailleurs. Hein. Bien, vas-y, continue, Christopher. Je sais plus c'est quoi les infos, vous avez. Inondations. Comment? Les inondations. Ah oui, les inondations aussi. Oui. Les terrains sont inondés à cause de la pluie. Oui. Mmh. Bah oui. Alors, est-ce que c'est partout? Quoi? Est-ce que c'est partout? Quoi, partout? Partout. Partout, oui. Oui. Un peu partout. Bah oui, parce qu'il pleut partout. Hein. Oui. Hein? Mais c'est vrai qu'il y a certaines régions qui sont beaucoup plus touchées. Mmh. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Ça veut dire quoi, inondation, pour ceux qui... Il y a des grosses flaques d'eau. Ah, c'est des flaques d'eau. Bon, bah, ça va. Non, c'est inondé. Comment? C'est inondé. Oui, bah oui, oui, oui. Il y a de l'eau partout. De l'eau partout, et puis ça rentre partout. Où? Dans les maisons. Dans les maisons, voilà. Il y a des gens qui ont leur habitation complètement inondée. Il y a même des villages où les routes, on les voit même plus, c'est plus que de l'eau. De l'eau. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que les rivières, parce que quelque part, c'est l'eau qui sort des rivières, c'est ça? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que il n'y ait plus d'eau comme ça partout dans les maisons? Il faut que ça arrête de pleuvoir. Voilà. Il faudrait que ça s'arrête de pleuvoir, bah oui. Hein. Alors, est-ce que là, on est bien parti? Non. Non. Ah, aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas le top. Hein. Mais aussi jeudi de la pluie. Hein. Jeudi, vendredi aussi. Samedi. Jeudi de la pluie. Ah, vendredi, fait beau. Et vendredi. Vendredi, fait beau. Ah, voilà. Voilà. Donc le week-end va être meilleur, Marion. Ah, bah super. Ce matin, j'ai regardé la météo, il fait beau vendredi. Vendredi, fait bon. Ah, bah c'est bien. C'est super. C'est Jade à l'eau. Qui Jade. Jette à l'eau. Ah, Jade. Jade à l'eau. Allô Jade, c'est ça que tu as dit? Est-il Jade? Alors est-ce qu'on crie dans le micro? Non. Ah non. Tu vois, ça c'est pas adapté. Jade. Est-ce que tu es content si Jade vient à la radio? Oui. On sera plus nombreux. Il faudra que tu montres l'exemple à Jade. Hein, comment on se tient à la radio. Hein. D'accord? Oui. Voilà, bien. Alors Christopher, donc tu en étais aux inondations. Non. Coronavirus. Ah, ça y est, on passe de... Oui, bon, vas-y, qu'est-ce que tu avais dit? C'est quoi, vous avez dit? Tu avais dit le nord de l'Italie en quarantaine. Oui, en quarantaine, le nord d'Italie. Ah bah, il n'y a pas que le nord. Le sud? Ah bah, tout. Tout? Partout. Ça a changé? Oui, ils sont passés en quarantaine hier. Quarantaine. Toute l'Italie? J'ai une autre info. Et en quarantaine, donc paralysé. Paralysé. Donc, ça veut dire que plus personne ne sort ni ne rentre. Bah en fait, ils peuvent sortir, mais seulement pour aller travailler, aller faire des courses, parce qu'on ne va pas les laisser mourir de faim quand même, et aller chez le médecin s'ils sont malades, mais ils doivent avoir un papier autorisant la sortie, sinon, oui, ils doivent rester chez eux. Et on a vu aux informations hier, par exemple, la ville de Rome, complètement désertique. On a vu le Colisée, il n'y a personne, alors que d'habitude, c'est noir de monde. Et voilà, il n'y a plus personne dans les rues. Mais donc la frontière est fermée ? Non. Non. Non, frontière n'est pas fermée. Il y a seulement la Slovénie qui a décidé de fermer sa frontière avec l'Italie. Mais bizarrement, non, les frontières sont pas fermées. Voilà, hein, l'évolution. Ensuite, tu nous avais parlé de quoi, Christopher ? Encore du coronavirus. Comment ? Encore du coronavirus. Non, non, là c'est bon, on va pas passer une heure là-dessus. Tu nous avais parlé aussi de la bourse. Ah oui, la bourse qui chute. À cause du coronavirus. Elle chute, oui. Alors, quelles conséquences ? Ben, moins d'argent. Pour l'économie, c'est pas très bon tout ça. Hein. Mais. Hein ? Est-ce que tu as regardé depuis lundi ? Est-ce qu'elle a à nouveau baissé, la bourse ? Non, c'est pas. Parce qu'il y a Paris, à Francfort, un peu partout. Hein. Ouais. Mais c'était général, la baisse. Hein. Alors, est-ce que depuis lundi, ça remonte un petit peu ou est-ce que ça a baissé encore ? Mais apparemment, non. Apparemment, non. C'est stable. Oui. C'est ça que tu dis ? Ah, me regarde pas, je suis pas... Mais c'est la bourse... Je suis pas sur Internet. Moi, la bourse, ça fait dehors. Non, mais si tu dis que c'est stable, Christophe... Oui, c'est stable, je sais rien. Mais je crois que oui, c'est à peu près stable. Oui, ça peut pas continuer à descendre non plus, sinon c'est une catastrophe. Non, l'argent. Hein ? Tu te rends compte un peu ? Donc, les infos, c'était bon ? Ah, Nicolas, vas-y. Vas-y. On va bientôt passer au Côte 3 en France. Bientôt. Au Stade 3. Tu as entendu ça, Nicolas ? Oui, c'est ça. Alors, tu as entendu ça ? Le gouvernement, il avait dit. Oui, bientôt, oui. Passons au Stade 3. Alors, le Stade 3, ça veut dire quoi ? Enracinez-nous. Non. Oh non. Oh. C'est ça que tu veux en fait, rester à la maison. Christopher, et tu rêves de 15 jours de vacances ? Ouais. Tranquille. Ça veut dire quoi ? Quarantaine. Enfin, petites écoles. Bon, c'est un peu comme si on y était déjà. Hein. En fait, oui, ils veulent pas le dire, mais c'est comme si on y était déjà, parce que le stade 3, je crois que ça signifie que le virus, en fait, est partout en France. Et si on regarde, le virus est partout en France. Mm. Bon, nous, on est la région la plus touchée à cause de ce qui s'est passé en Alsace, mais dans le Bas-Rhin, parce que c'est la même région, le Haut-Rhin plutôt. Mais voilà, c'est comme si on y était. Personne ne veut le dire, mais le virus est partout en France, donc c'est comme si on y était, quoi. Et tu as bien entendu, Christopher, Marion, elle a parlé de région. Elle n'a pas dit la Bresse, hein, elle a dit la région. Alors, la région Grand Est, hein. Voilà. Pas la Bresse. Il y a plein de départements, après, voilà. Est-ce que tu sais ce que c'est la région Grand Est ? Qu'est-ce qu'il y a comme département dans le Grand Est ? Par exemple, toi, tu habites dans quel département ? À Brest. Non, ça, c'est une ville. Non, sérieusement. Bah, on est Nicolas, tu sais ? Non. Moi, je sais. Les Vosges. Ah, ben voilà, dis-le. Les Vosges. Bien, bien, Christopher. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme département autour ? Premièrement. Nicolas, toi qui voyages. L'Alsace. Le Nord, il y a. L'Alsace, je suis... Oui, mais j'attendais... Le Nord. Le Nord. Non, non. Bah, le nord des Vosges, oui. Qu'est-ce qu'il y a autour ? Toi qui vas de te promener là-dedans. La Belgique. Ah non, non, pas la Belgique. Ça, c'est un pays. Il n'y a pas la Moselle ? La Moselle. À côté, il y a quoi ? Mulhouse. Non, ça, c'est l'Alsace. À côté de la Moselle, il y a la... Meurthe-et-Moselle. Meurthe-et-Moselle. Et il y a la Marne aussi. Alors attends, parce que moi je suis un peu perdue avec la géographie. Ou alors c'est l'ombre. Non, t'as quoi ? T'as les Vosges, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Meuse, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin. Oui, la Marne, ça doit être l'ombre. Si, je crois qu'il y a la... Eh ben, je suis plus trop sûre, moi. Ben, je sais plus non plus. Ah ben, on est bon, hein. Ah, ça, mais ils n'ont pas changé les régions tous les... Voilà, moi je frise de ridicule. On est cuit. Attends, je demande à Google. On peut pas de pub, Marion. Non, ça va, Google. On est cuit. Donc, Christopher, tu vois, le Grand Est, c'est énorme. Hein. Ouais. Hein, c'est pas que la Bresse. Hein. Alors, je l'ai. Écoutez. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? S'il veut bien s'afficher. Alors, Donc, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Meuse, Ardennes, Marne, Aube, Haute-Marne. Oh, bah il nous en manquait, hein. Voilà. On était loin. On va retourner à l'école. Ouais, prenez courage aussi. On peut dire merci à Marion, hein, parce que là, il y en a encore plus que ce qu'on disait, hein. On est cuit. On est cuit. Ah, pourquoi tu dis on est cuit? À cause du coronavirus. Mais non, Nicolas. Bah, nous, ça va, on va pas mourir, nous, les jeunes. On est bien immunisés. Ah, mais on sait jamais, hein. Nous, ça va, on est coquilles, là. Alors, Christopher, pourquoi tu me regardes, là? Hein? Ne dis rien. Si tu me regardes, je me vexe, hein. Ne dis rien, surtout, hein. Nous, les coquilles, les jeunes, on meurt pas, nous, hein. Mais non, vous inquiétez pas. Hein. C'est vrai que ça prend une grande place dans les informations, mais il ne faut pas non plus psychoter là-dessus. Hein. Hein, il faut vivre aussi. Oui. D'accord. Oui, tu es d'accord. Oui, est-ce que tu avais d'autres infos, Christopher? Non, Nicolas. Non. Camille. Bah, Camille, d'ailleurs, tu n'en avais pas du tout. Non, comme ça, c'est réglé. Pas d'infos. Et Gabriel? Non. Pas d'infos. Donc, il va falloir quand même que vous y mettiez un petit peu à regarder les infos. Hein. Moi, j'en regarde. Bah oui, Nicolas et Christopher, heureusement, hein, parce que Camille et Gabriel, bien dit. S'il vous plaît, petit oiseau. Hein. Alors, Zinedine, il n'est pas là, mais il nous avait parlé de quoi, lui? Du foot. Du rugby. Du rugby et du foot. Foot féminin. Bien, Nicolas, du foot. Féminine. Féminin, ouais. Et puis, il y avait le rugby, c'était à France. Contre eux. Écosse. Écosse. Et qui c'est qui a gagné? Écosse. Écosse. Voilà, bien. Émilie. Voilà. Donc on donne l'info à Zinedine, hein, malgré qu'il ne soit pas là. Hein. Tiens, Damien, toi, tu as une info particulière à nous transmettre ou non? Alors, Damien, regardes-tu les infos? Très honnêtement, cette semaine, j'ai vraiment pas eu le temps. C'est pas bien, Damien, c'est pas bien. C'est pas bien. Il joue au foot, c'est pour ça qu'il n'a pas de temps. Il joue au foot? Est-ce que tu joues au foot, ah, Damien? Non, non, il fait du billard. Billard. Non, non, oui, je sais pas du toi tu prêches le faux pour savoir le vrai. Non. Alors, puisque les infos sont finies, on va pouvoir passer la chanson de Gabriel. On te fait plaisir, Gabriel. Hein. Alors surtout, tu l'écoutes bien. Le lapin, merci Marion. Le lapin. Dans la forêt de l'automne, ce matin est arrivé une chose que personne n'aurait pu imaginer. Au bois de morte fontaine, où vont à morte saison, tous les chasseurs de la plaine, c'est une révolution. Car ce matin, un lapin a tué un chasseur. Comme si c'était justice quand il tuait le lapin. Et puis devant la mitraille venue de tous les fourrés, abandonna la bataille, les chasseurs. Attention, le refrain. Car ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui, c'était un lapin. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui, c'était un lapin qui, ce matin, histoire inventée pour la chanson. Les chanteurs la fête du soir. Quand les chasseurs reviendront et s'ils se mettent en colère, appuyés sur leur fusil, toute la passons le refrain. Comment va Gabriel? Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui, c'était un lapin qui, ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. Attends, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui a avec un fusil. Bravo. Bravo. Félicitations à tous. Ah, par contre, moi j'ai Christopher, il est au bout de sa vie. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait pour les avec eux, mais non merci, hein, je vous le dis, hein, mec. Bah tu sais, Christopher, je pense que tous les jeunes enfants ont apprécié d'entendre la chanson. Bah tout le monde la connaît. Mais oui. Moi qui la connais par cœur. Ah, bien moi. Si, si. Et Gabriel, il était aux anges. Donc on lui a fait plaisir. Hein, Gabriel? Bah oui, hein. Ah, Christopher, tout le monde ne peut pas aimer le dance floor. Hein? Voilà. Enfin, la musique, tout le monde. Hein. Après, nous, on respecte tes choix. Toi, tu peux respecter les choix de Gabriel. Hein? Oui, oui. Bah oui. C'est vrai. Donc, on a passé le lapin. Le lapin qu'on a chanté, hein. Ensuite, de quoi avons-nous parlé? La Terre. La Terre est ronde. La fin du monde. La fin du monde. Non, c'était pas la fin du monde. La Terre est en danger. Bien, Nicolas. Alors, pourquoi la Terre est en danger? À cause de la pollution. Alors, qui c'est qui pollue, Nicolas? Le plastique. Les usines. Les voitures. Les usines. Les voitures. Oui, les voitures. La voiture de Corinne. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que c'est une vieille voiture? Pour une voiture électrique. Une voiture l'eau électrique aussi. Ça pollue tout autant. Voilà. Ah, c'est électrique. Non, ben, ça pollue parce qu'il faut des centrales pour faire l'électricité. Est-ce que tu as entendu? Oui, il faut des centrales. Il faut des centrales nucléaires. Et en vélo, Corinne. En vélo. Alors, Christopher, est-ce que tu viendrais tous les jours aller-retour de la Bresse en vélo? Non. Non. C'est trop loin. C'est long une voiture, c'est long un vélo. Oui, c'est bien pour ça qu'il y a des gens qui ont des véhicules. Pour un vélo électrique, ça existe. Mais ça pollue. Non, pas les vélos, enfin... C'est pollu. Ça pollue le vélo électrique. Oui, en trottinette. Et c'est vrai que les batteries, c'est pas le top non plus. En trottinette. En roller, ça ira plus vite. En roller, tu sais pas freiner. Sur la flotte, hein. Si t'as des freins. Ah oui, j'en ai. Donc, il y a les véhicules. Les avions. Les usines. L'auto. Les vêtements. Les crosses. Ah, les motos. Bah oui, Gabriel. Les vêtements. Les motocross, oui. Les vêtements. Les vêtements. Oui. On enlève. Les feux. Le feu. Les feux de forêt. L'eau. Les décès par terre. C'est où en ce moment que ça brûle pas mal? Lyon. En Australie. Ils me regardent pas, je sais pas. Non, Australie, hey, là, c'est fini. Tu travailles à Arnie ou tu sais pas? Bah, Christopher, pas c'est pas toi qui regarde tout le temps les infos. Là. Mais on sait rien de pas en parler, hein. C'est en Amazonie que ça continue toujours de brûler. Ils ont toujours du mal à maîtriser les feux. Faut aimer les canadaires, hein. Et l'Amazonie, c'est quoi? C'est un pays. Les forêts. C'est le poumon de la terre. Hein? Mmh. Tu savais pas ça? Si. Oui, t'as l'air. Oui. T'as l'air de douter, mais si, pourtant si. Donc, alors, la Terre est en danger, donc pourquoi? À cause des météorites. Quoi? À cause des météorites, j'avais dit ça. Alors toi, tu nous prévois une météorite, hein, je sais pas d'où. Non, mais il y a un astéroïde qui va ou qui est passé pas très loin. De... Enfin, pas très loin. Très gros, mais il est passé très loin, donc on risquait rien, mais il était très très gros. Et s'il percutait la Terre, là, il y a mort, du coronavirus, il n'y avait plus rien. Oh, alors, oui, Corinne, hein. Ah, on est en sursis, alors. Au revoir, Corinne. C'est pas une météorite qui a passé aussi. Au revoir à tout le monde. Donc, Marion, elle nous a dit, voilà, il est passé très loin. Le volcan, elle avait dit aussi. Là, aussi, notre météorite qui va passer aussi. Alors, Christopher, c'était ça que tu voulais nous dire? De quoi? Bah, tu parlais d'astéroïdes. Le volcan. Le volcan, t'avais dit. Météorite. Écrit. Est-ce que toi, tu as entendu, ou Nicolas, à la radio, qu'il allait avoir des astéroïdes, des météorites qui allaient arriver sur la Terre? Non. Ça n'arrivera pas encore, il faudra attendre un bon moment. Ah, il faudra attendre combien de temps? Sinon, ça arrive. 1000 ans, bah, ça va, d'ici là, je ne serai plus là. Ah, mais toi, il va passer devant la Terre? Un mois. Alors, Christopher. Oui. On en était aux astéroïdes, aux météorites, donc ça, c'est pas pour tout de suite. Oui. Parce que toi, tu penses que avec les astéroïdes, là, les météorites, ça y est, il n'y a plus de Terre. Mmh. C'est pour ça que la Terre est en danger. Ouais. Ah. Sinon, vous aviez parlé d'autres dangers. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les volcans. Les volcans. Les trous noirs. Parce qu'il y a plus de volcans en éruption maintenant ou... Je sais pas, moi je demande. Hein. Mmh. Les trous noirs. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant, qui sont en éruption? Non. Non. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Je vous ai expliqué lundi que le noyau de la Terre, c'est quoi? La lave. La lave. Du feu. Il faudrait balancer un missile dedans. Il faudrait lancer un missile dedans. Mais quoi? Voir comment ça réagit. Est-ce que tu penses qu'on peut s'approcher de la lave comme ça? Non, c'est trop brûlant. Non. Et puis, ton missile, là, il irait pas bien loin. Hein. Voilà. Une fois dans la lave... Il explosera quand même. La musique est là par moi. Bombe atomique. Donc, vous aviez parlé de quoi aussi? On n'a pas comme ça, Corinne, c'est rien, moi. La Terre est en danger, alors vous avez parlé de la pollution, c'est vrai. Les usines, je vous avais dit. Des usines, des gaz. Vous aviez dit aussi que l'eau, elle était quoi? Noire. Polluée. Polluée. Elle est polluée. À cause alors, du pétrole. À cause de quoi? Du pétrole, du plastique. Du pétrole. Ouais, quand les bateaux, ils coulent, il y a du pétrole qui coule. Hein. Quand quoi, tu dis? Quand les bateaux, ils coulent. Du pétrole qui s'essable des bateaux. Ah, les naufrages, peut-être. Ouais, les naufrages. Ah. Oh, mais alors, oui, là, donc la mer, tu veux dire, est polluée. Ouais. C'est ça. Ah, c'est urgent. Oui. Ah, bah, attends. Écoute. Ah, tu peux attendre. Il faut attendre la musique. Ah, ok, d'accord, d'accord. D'accord. Donc, l'eau polluée. Vous aviez parlé aussi. Les 12 heures, elle avait dit, mais ça. C'est drôle. Qui ça? Des dinosaures, j'avais dit. Ah oui, alors là, il y avait la venue des dinosaures. Je crois qu'ils sortaient, mais... les dinosaures revenaient. Le retour des dinosaures 2. Alors, Nicolas, est-ce que tu as entendu ça à la télé? Hein, que les dinosaures allaient revenir? Ou pas? Ça se peut, hein. Ça se peut. Où t'as vu des dinosaures? Ils sont tous morts. Ah, t'as vu rien? T'as été partout? Ils sont tous morts, la météorite a tous buté. Ça fait très, jamais, très longtemps. Hein. J'avais dit. Hein. On ne sait jamais. Ils sont à Marion, dans la classe. Qu'est-ce que tu dis, Christopher? Non, je parlais à Marion. Ah, oui, mais on t'entend, tu sais, mais on n'avait pas entendu. Oups, baisse mon micro alors. Hein. Donc, Nicolas, lui, il parlait de la venue des dinosaures. Ah oui, il faut peut-être aller en Antarctique. Peut-être qu'ils sont en Antarctique, ah, congelés. En Antarctique. Ah, bah, il doit y avoir des congelés, oui, c'est sûr. Il peut fondre. C'était pas si vieux que ça qu'ils avaient retrouvé un mammouth. Et un mammouth, wow, ouais. Attends, regardez ça. Non, ben, Christopher... Quand ils ont retrouvé le mammouth. Donc, bah, écoute, Nicolas, ton idée de dinosaure, là, c'est vrai que ça craint. Après, ça va être quoi, les mégalodons, après? Des dinosaures, mais ça, c'est pas possible, hein. Le mégalodon, après. Comment? Mégalodon. Oui, toi, tu nous as parlé du mégalodon. Alors, lui, il vit où? Dans la mer. Voilà, mais il n'existe plus. Oh, hein, peut-être pareil, si, là, encore, hein. Comment? C'était encore si, peut-être. Peut-être congelé dans l'Antarctique. Congelé, hein. Ah oui, bien alors, vous aviez parlé de ça, pourquoi? Parce que il y a la fonte des... glaces. Des glaciers. Des glaciers. Alors, même si les glaciers y fondent, vous croyez que... pardon, que les dinosaures et puis les mégalodons, là, ils vont ressusciter. Oui, ils peuvent revenir. Ouais, la glace, ça conserve la glace, tout ça courant. Ça conserve, mais ils sont morts. Ça fond, hein. Hein. Je crois pas qu'on a encore fabriqué d'appareillage pour ressusciter les gens. Ça, voilà. Donc ça, là j'émets des doutes, hein, Nicolas. Dinosaures. Ils avaient dit c'est le Pokémon zombie aussi, ils avaient dit. Tu regardes un peu trop la télé. Alors que Christopher, oui, là tu mélanges un peu tout. Hein. Les le Pokémon zombie. Je vois vraiment pas ce que ça vient faire là. Hein. Hein. C'est quoi un zombie? Les zombies. C'est quoi un zombie? Vous avez vu un zombie, c'est un mort vivant? Ah, moi j'en ai jamais vu. Hein. À la télé, en film. De crier. Pardon. Oui, ça c'est des films. Ouais, ça va se passer en vrai. Hein. Alors est-ce que les films, c'est la réalité? Non. Non. Sauf les reportages. Voilà, reportages, documentaires, là oui. Mais ah. Des films. Eh, ça peut arriver, Corinne. Hein. Comment? Ça peut arriver le Pokémon zombie, hein. Christopher. Des morts vivants. Oh là là. Et qui c'est qui nous avait dit que... Ah, Zinedine, qui avait dit que des fois, la Terre, elle tremblait. Elle tremblait. Oui, qu'il y avait des secousses. Alors, à votre, on en avait parlé lundi. Ouais. Vous avez demandé à cause de quoi? La plaque tectonique. Bien, Christopher, parle dans le micro que les gens... Les plaques tectoniques. Ouais, alors qu'est-ce qui se passe avec les plaques? Elles bougent. Elles bougent. Oui, ah, fissures. Des fois, elles se... C'est fissures. Fissures. Oui, elles se fissurent, elles se cognent et puis ça... Ça fissure la terre. Ça provoque eh ben, des tremblements. La terre sera coupée en deux. La terre sera coupée en deux. Non. Ah. On sait pas, hein. La terre coupée en deux. Non. Les fissures, ça peut couper la terre. Les fissures. Puis alors Christopher, après, il nous avait dit, donc toujours dans le cadre de la Terre est en danger, qu'il pouvait y avoir une guerre nucléaire. Alors est-ce que ça, c'est à l'ordre du jour? Non, mais au cas où, il y a une guerre nucléaire. Oh. Toi, tu penses que les guerres du futur, s'il y en a, ce sera plus les guerres avec des petits soldats, des fusils et tout ça, ce sera des guerres nucléaires. C'est oui. Ça que tu dis. Oui, moi je suis d'accord avec toi, c'est tout à fait probable, mais pour l'instant il n'est pas question de guerre. Eh, ça peut arriver, tu seras bien content d'être au courant, hein. Comment? Tu seras bien content d'être au courant, c'est une guerre nucléaire. Ah, je serais contente d'être au courant. Ah, mais je l'ai dit qu'on peut être à des fourches, j'avais dit lundi, à des fourches. Mais vaudrait mieux pas que ça arrive, pourquoi? On mourrait tous, on pourrait même pas pousser de plantes. Côté destruction, là... Ce serait le... La fin du monde. L'apocalypse, là. Hein. Dieu, c'est les armes biologiques aussi, j'avais dit, la guerre. Guerre armes biologiques. Oui, explique. Les guerres biologiques, là, j'avais dit. Oui, bah raconte, c'est toi qui as vu ça, alors, je sais pas. Je sais pas, au cas où il y a une guerre biologique, au cas où. Ah, au cas où. Oui, mais il va pas en avoir, là. Au cas où. Et on va toucher du bois. Voilà, on touche du bois. Moi j'ai du bois là, c'est plutôt c'est du bois. Hein. Je sais même pas si c'est du vrai bois. Hein. Tu sais pas si c'est du vrai bois? C'est du plastique déguisé en bois. Est-ce que vous avez fini par la terre est en danger? Oui. Donc en conclusion, on peut dire qu'il faut prendre soin de la terre. Soin de la terre. Et ça fait déjà plusieurs fois qu'on en parle, mais il faut continuer à le dire. Mais il y a tout. Et Corinne, tu as essayé de prendre soin de la terre? Prendre un vélo? Tu peux venir à pied toi aussi le matin, Christophe. Non. Ça va à la bourse, je te le dis. Hein, si mais il y a d'autres gestes, il n'y a pas que les transports. Hein, triez vos poubelles. Tu le fais toi, Corinne? Oui, évitez le gaspillage. Moi, je l'ai fait, Corinne. Hein? Je trie mes poubelles. Moi, j'ai des poubelles, moi. Et moi, j'ai trié aussi. Comment? Quand on ramène à allumer les boussons et les bouteilles en plastique. Oui, c'est bien. Non, mais c'est bien. Ah ouais. Pas moi. Toi, tu tries pas. Non. Mais c'est peut-être maman qui le fait pour toi. Mm. Ah bah oui. Mm. Et tu pourras l'aider, maman? Non. Non, bah non. Non. C'est bien, c'est maman. Je ramasse, moi. Toi, tu tries, c'est là, bien. Là, je ramasse quand les papiers par terre. Je ramasse des fois quand les papiers par terre. C'est bien, Nicolas. Bien, quand on a les boulot. Peut-être mettre des gants aussi, hein. Mais j'ai des gants dans ma poche. Oui, mais ça, c'était des gants pour pas avoir froid. Mais je les mets pas, hein. Hein. Damien, toi, qu'est-ce que tu fais pour Bah moi, je trie les poubelles et puis j'essaye un maximum de limiter le gaspillage de l'eau aussi, parce que ça joue aussi beaucoup sur la planète. Et, pas rester une heure sous la douche, hein? Oh oui, moi j'aime bien, moi. Reste pas une heure sur la douche, moi. Putain, moi souviens, je mets pas une heure, moi, pour prendre ma douche. Préférer la douche à une baignoire pleine, voilà. Moi, longtemps, moi. C'est des petits gestes qui vont faire beaucoup pour plus tard. Est-ce que vous laissez couler l'eau quand vous prenez la douche? Non. Non. Du début à la fin, non? Alors, comment ça se passe? Moi, quand j'ai fini, j'étais un loup, moi. Oui, bah c'est sûr, quand t'as fini, t'es un loup, oui. Ça, c'est... Après, non, mais quand tu vas sous la douche, hop, tu fais couler l'eau. Oui. Et tu la laisses couler. Non, moi, je vais dedans, moi, hein. Comment? Moi, j'ai dedans la douche, moi, je mets sur l'eau, moi. Ah bah, heureusement que tu vas dedans, hein, sinon, je vois pas comment tu pourrais te laver, hein. Donc, me tu savoune. Fais couler l'eau. Me savoune. Tu te savonnes, mais est-ce que tu te savonnes et l'eau, elle coule toujours? Oui. Ah bah, ça, c'est pas bien. Non, moi, je le fais pas, courir. Moi, je l'éteins. Des fois, mais je le fais, des fois. Bien, Camille. Au foot, à l'eau, c'est un peu comme ça, l'eau. Toi, tu laisses couler l'eau? Mais au foot, c'est pas pareil. Oui, parce que ça s'arrête au bout d'un moment. Ouais. Écoute, Camille, ce qu'elle va dire. Donc Camille, toi tu vas à la douche, te mouilles entièrement, Et après ? J'éteins l'eau. Elle éteint l'eau. Ou parfois, je mets mon gavant. Écoute, Camille. Et parfois, après, tu fais quoi ? Elle sonne. Tu attends que ça se passe ? Ah bon ? Elle bluffe. Alors, tu fais quoi quand tu arrêtes l'eau ? Je me lave. Voilà, Camille, elle se lave. Et après ? Je me rince. Elle rallume l'eau pour se rincer. Parce que tout le temps que tu te savonnes... L'eau, elle... Et que l'eau, t'auras elle coule, ça sert à rien, ça. T'auras plus d'eau après. Ou parfois, je me mouille avant. Bah, et voilà, il faut te mouiller, t'arrêter. Mouille avant. Avant quoi ? Il se mouille. Avant de mettre le savon. Bah, mouille. Forcément. Tu vas pas passer le savon sur une peau sèche. C'est un peu bizarre. C'est bon. Donc, il faut te mouiller. Te rincer. On arrête l'eau. On se savonne. Et après, seulement, on rallume l'eau. Ah, c'est pénible. Ouais. Et en plus, tu feras des économies d'eau. Donc ta maman, elle aura une facture qui va descendre. Mmh. Ouais, tu as l'air très convaincu, Christopher. Hein. C'est qu'est-ce que je veux, c'est moi. Bah, qu'est-ce que tu veux ? Tu l'as dit à ta maman, ça, que tu laissais couler l'eau pendant que tu prenais ta douche ? Non. Bah, dis-lui. À mon avis, elle va te dire, bah, tu devrais l'arrêter pendant que tu te savonnes. C'est sûr, morale, Christopher, tu fais ce que tu veux chez eux, mais qui c'est qui paye la facture ? Maman. Oui. Maman. Bah oui. Et aussi, elle reste beaucoup longtemps sur la douche, elle n'a pas que moi. Hein. Bon, écoute, allez, on arrête. Stop. On parle pas de maman là. Ça terminé un conflit. Non, bah non, c'est pas un conflit. Mais c'était une... Une petite dalle. Oh, dis donc, Gabriel, bien. A voir, Capi. Donc, on a fini avec la douche, là ? Oui. Hein? Et puis comment protéger un peu la terre à votre niveau, hein? En prendre soin. Oh. Ok. Donc maintenant, c'était quoi le sujet ? Ah, je l'avais dit. Coronavirus. Non, non. Les élections. Ah oui. Vous avez dit que dimanche, c'était les élections. Oh. Voilà. Et j'emploie. Oh, alors, est-ce que je vous ai demandé, est-ce que vous accompagnez vos parents ? Non. Non. Est-ce que vous savez ce que c'est que des élections ? Oui. Oui, alors Christopher, on t'écoute. Oh. C'est pour faire quoi ? C'est nul. Non, c'est pas nul. Oh, c'est ennuyant. Oh, blablabla. Bah, c'est ennuyant, tu vas pas. Alors, Moi, je préfère pas voter, tu le dis. Mais de toute façon, tu n'as pas l'âge. Ouais, j'ai le temps, tranquille. Tu as dit qu'il fallait quel âge, Christopher ? 18 ans. Voilà. Alors pourquoi les gens ils vont voter ? Oh, je sais pas pourquoi. Dimanche ils vont élire le président. Non, alors c'est pas les présidentielles. Hein. Dans 2022. C'est le gouvernement. Le gouvernement, non. La commune. La commune, voilà. Les gens ils vont élire leur maire. Ça te parle, Camille ? Le maire de Saint-Étienne. Dimanche, elle est dehors, dimanche. Donc, dans chaque commune, il y a des personnes qui se présentent. Ou des fois, il y a le maire qui est actuellement en poste, qui se représente. Donc, ils ont chacun une liste. Et les gens, ils vont voter dimanche donc pour la personne qu'ils souhaitent voir devenir maire. Ou mairesse, si c'est une fille. Une dame. Donc, je vous avais demandé, est-ce que vous étiez déjà allé dans les endroits où il y a les élections ? Non. Est-ce que vous pouviez raconter un peu comment ça se passait ? Bon, moi, Madame Marion. Non, mais c'était à vous que j'avais posé la question, hein. C'est bien de s'intéresser, hein. Oh, c'est mieux. On s'endort, là. On s'en décide, parce que là, on va s'endormir, si tu le dis. Ben, le jour que vous aurez la possibilité d'y aller, alors vous allez y aller comme ça, vous ne saurez même pas ce qu'il faut faire. Déjà, vous allez où pour voter ? Vous vous intéressez pas. On va à la mairie avant. La mairie. C'est pas forcément la mairie, ça peut être des salles à droite, à gauche, suivant le nombre de personnes qui se présentent aussi. Hommes, femmes. Suivant le lieu où vous habitez aussi dans la commune. Alors donc, oui, il y a une salle. Et qu'est-ce qu'il y a dans la salle ? Des gens. Il y a des gens, c'est sûr. Avec des boîtes. Avec des boîtes. Il y a une boîte. Hein, qui est fermée avec un cadenas, souvent. Tu peux voir ta kit bis. Qu'on appelle l'urne. Oui. Voilà. Et donc quand vous entrez, il y a plein de petits flyers, on peut dire ça, avec le nom des personnes qui se présentent. Donc là, vous prenez un chat, puis après, vous allez dans un isoloir. C'est un endroit où on ne voit pas ce que vous allez faire. Il y a un rideau. Et après, vous choisissez, vous mettez dans une enveloppe. Et après, je vous ai dit qu'il fallait quoi pour aller voter ? Une carte, carte de voteur. La carte d'électeur et puis quoi aussi ? La carte d'identité. Bien, voilà. Donc tout ça, on vous le demande. On vous tamponne la carte d'électeur. On regarde si vous êtes bien la personne, le nom qui est sur la carte d'électeur doit correspondre avec le nom qui est sur la carte d'identité. Et une fois que vous avez voté, le monsieur, il dit... À voter. À juger. À juger, voilà. Non. Voter. À voter, voilà. Donc ça, c'est important à savoir. Même si pour l'instant, vous n'êtes pas trop concerné. Mais vos parents, ils y sont. Mon mari, ou... ils vont tous aller voter dimanche. Hein? Non, pas moi. Bah, pas toi, non, Gabriel. Voilà. Donc, on fait une pause avec la chanson suivante. Hein, parce que vous êtes très inspiré par les élections. Eh ben, Marion, tu mets celle que tu veux. Ce sera Maître Gims. Eh ben, allez, pour Camille. Tu m'as demandé pardon, je t'ai repoussé, repoussé. Je voulais que tu comprennes que je souffrais, je souffrais. Mais t'as laissé ton odeur sur les bras, sur les bras. Je donnerai tout pour être dans tes bras, dans tes bras. Et j'ai tant de te haïr que la colère est partie. Les bons souvenirs l'emportent sur la haine et la rancœur. Sans se lancer un regard, je ne sais quoi dire quand on fait la remarque, notre entourage tente de nous raisonner, raisonner, je pense qu'il est temps de se retrouver, retrouver, et j'ai tant de te haïr, mais la colère est pas. I forgive you, you're not. la chanson de Camille. Camille n'a pas voulu chanter. C'est pas grave. Ah, demain, on a remis le micro à Camille. Hein. Oui, mais elle n'avait pas envie de chanter. Donc aujourd'hui, comme on avait Damien, hein, et puis en plus qui termine son stage à l'IME, c'est sa dernière semaine. Donc la dernière fois, on avait parlé un petit peu de son sa... parcours. Bien, Nicolas, de son parcours, de ce qu'il faisait. Eh bien, on va lui demander où il en est aujourd'hui, Damien. Donc aujourd'hui, donc, c'est ma dernière semaine, comme disait Corinne, de stage à l'IME. Moi, je voulais voilà, mettre un mot sur l'équipe qui a pu m'apprendre justement les techniques professionnelles au niveau de l'encadrement. Moi, j'ai passé les trois semaines que j'ai pu faire à vos côtés ont été très bénéfiques pour ma formation, ce qui va me permettre après de pouvoir justement avoir un projet plus lié sur le handicap et par rapport aux associations aussi que j'ai à mon actif, je peux maintenant, avec mes connaissances et les techniques qu'on a pu avoir ensemble, j'ai moins d'appréhension sur les futurs projets de séjour adapté que je compte monter avec les associations. Tu as des outils. J'ai les outils, c'est ça. C'est bien, c'est bien. Et puis, voilà, je vais aussi continuer ma formation en terminale. Donc, cette terminale se fera à Guignécourt. Et puis, continuer toujours dans le domaine de l'animation, c'est toujours un plaisir de pouvoir travailler auprès de jeunes en situation de handicap. C'est toujours bénéfique. C'est bien, c'est bien. Donc, ça veut dire que Damien, il est... satisfait de ce qu'il a vu mais appris à l'IME, que vous lui avez apporté beaucoup, vous les jeunes, bon, l'équipe aussi, hein, l'équipe comme il aussi. A dit, mais vous aussi vous apportez beaucoup aux stagiaires. Moi, c'est en étant à vos côtés justement qu'ils apprennent beaucoup de choses sur les difficultés liées au handicap, comment les appréhender. Donc, merci à vous aussi, les jeunes. Oui, merci aussi à vous. À tous les jeunes de l'IME. Ça vous étonne qu'on vous dise merci ? Non. Non ? C'est pas parce qu'on est éducateur qu'on peut pas vous dire merci ? Ben oui. Parce que c'est vrai que vous nous apportez chaque jour des nouvelles méthodes à travailler, et un accompagnement différent chaque jour, voilà, en fonction de comment vous êtes, comment ça s'est passé, par exemple le week-end ou autre. C'est vrai que chaque semaine, chaque jour, c'est nouveau pour nous et je pense, moi c'est ce qui m'a plu. Franchement, c'est... Vous êtes d'une très grande richesse. Ouais. Oh là là, alors là, vous en êtes bouche bée. Hein, qu'on vous dise merci, que vous êtes d'une grande richesse, ça vous laisse de baba. Hein, on va dire ça vous laisse baba. Donc Damien, tu termines vendredi ? Oui, je termine vendredi. Ok, alors est-ce que tu vas fêter ça ? Oh, je pense. Des petits bonbons, des petits gâteaux. Champagne. Alors, vous avez entendu, hein ? Vendredi... Nous, on n'est pas là, nous, au collège. Oui, le matin, t'es là. Donc, n'oubliez pas, s'il se prépare quelque chose en bas, la CIFPRO, j'ai l'oreille. Les gâteaux. Pour aller faire un petit tour. Le champagne. Ah non, non. Non, il n'y a pas d'alcool. Hein. Pas d'alcool. Le champagne. Champagne, c'est pas de l'alcool. Hein. Voilà. Donc, je pense Damien, il ne vous oubliera pas aussi vendredi. On en draine part, Corinne. Comment ? On en draine part. Eh oui, oui. Merci Christopher. On mangera tout. Tu es très aimable. On mangera tout. En tout cas, merci d'être venu avec nous aujourd'hui, Damien. Ah ben, et puis on te souhaite pleine réussite. Merci. Hein, dans ta formation. Alors Marion, est-ce qu'on pourrait passer un petit peu de celle de Christopher ? Sinon, il va oui, être. Je la prépare. C'était nul. Merci Marion, c'est très gentil. Okay, tu te rappelles, c'était quoi, Christopher ? Quoi ? Tu te rappelles, c'était quoi ? Oui, c'était une bonne musique. Hein. C'était une musique, oui. J'ai vu le titre. C'était, attends voir, Matador. Matador, oui. Hein. Et ton CD, c'est quoi ? C'est Dance Floor. Bien, Christopher. C'était la numéro 2. Deux. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est bonne musique, attention. Hein. C'est de la bonne musique. Bon, bon, bon, en tout cas. Merci, Marion. Merci, madame. T'as dit qu'il a accroché. Tous les cas. Bouger son corps, c'est pas compliqué pour se lâcher. Se lâcher. Le bon mouvement pour bien s'amuser. Danser. Bouger son corps, c'est pas compliqué pour se lâcher. Se lâcher. Le bon mouvement pour bien s'amuser. Balancez côté côté, balancez côté côté. Bouger le corps, c'est bon pour la santé. Balancez côté côté. Allez, il a bien son maximum, il se donne la dent dans les cœurs. Aujourd'hui c'est décidé, on va danser sans s'arrêter. De l'Afrique au Santi, de Paris à Séville, de Rio à Tokyo, tout le monde est chaud. On a commencé à Macarena, après c'était décalé Guada. Pour finir on s'est fait dorloter, c'est du midi caoulé. Danser, bouger son corps, c'est pas compliqué. Pour se lâcher, se lâcher. Voilà, c'était la chanson de Christopher. Heureux, Christopher ? Ouais. Voilà, et eh bien écoutez, il nous reste plus qu'à saluer tous nos auditeurs. Oui, à la semaine prochaine. Merci à vous pour votre participation. Merci encore à Damien d'être venu avec nous aujourd'hui. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Pour la dernière. Mais c'est pour ça qu'on n'est pas là. Ta douce mélodie me réveille chaque matin. Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main. Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien. Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin. Mon café, mon jus d'orange, j'en le partage aux amis. En voiture, mes yeux sont dans les tiens. Dans quelques feux, je crie. Au boulot, on part tellement ensemble que des dossiers, j'oublie. Au dîner, vu le silence, tout le monde t'aime dans ma famille.